Are you ready? Let's go! Rai Suprême. 12h, DJ Case, t'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Are you ready? Passez une bonne soirée, bienvenue comme chaque dimanche soir, rendez-vous avec DJ Case. Plus en forme que jamais, comment ça va? Toujours, ouais. Très très bien. Bon, dernière journée pour veiller peut-être tard, c'est les vacances, c'est la reprise demain. C'est ça, c'est la reprise. Bah, moi je pars en soirée juste derrière. Et toi tu vas où? Au Garden, c'est à la Plaine Saint-Denis, donc on... Attends, le dimanche. Ouais. Direct. Ah ouais, il y a du monde, il y a une bonne ambiance. Donc, le Garden. Ouais, c'est ça. Bon bah tu vas nous chauffer. Ah ouais, c'est ça. Comment on dit, le before? Là je fais un petit before. Tu nous fais un petit before après, sur Skyrock. After. Bon, coup d'envoi de ce before maintenant avec DJ Case au platine, comme d'hab, des classiques, des nouveautés. C'est ça, ouais. De tout, et là on va mettre un peu plus d'oriental là, première session. On y va, coup d'envoi de ce Rai Suprême avec DJ Case. Dans mon secteur gros ça écoute tout, y'a des braves, des traîtres et des poupous. Elle aime les pigeons et les toutous, y'a par lui elle se rend tout dans la foufoune. J'suis le sang de la veine, j'suis ton chouchou, mais j't'ai plus vu quand c'était trop chaud. Envoie la plaquette, les petits découpent tout, ça me demande des photos, ça gratte des poupous. T'es trop en buvette et tu la cambou. Elle a pas faim, tu vas faire un gambu. Poto, pourquoi tu me lâches pour du bambou? À t'écouter, tu niques tout le monde de toi, t'es Rambo. À ce qui paraît, tu tout pour avoir des infos. Rai Suprême, avec Fred et DJ Kay sur Skyrock. Poto, c'est bien beau. Si sur le machin, tu danses le mambo. T'es tout speed, poto, t'as abusé sur la CC. Tu me fais la timide, mais t'aimes les fessées. Sous la cagoule, c'est dur, alors écoute, couche. Showcase pour être devant, ça se met des coups de coude. Tant demain, je prends une frappe et je les nique tout. Et quand je bosse, il danse bien. Mousse, pas du USB dans le gamin, son mille Bluetooth. Je passe en zone dans Marseille, je les emboute tous. Au début, c'est wesh la mise, je te fais coucou. Après, je te mets une disquette pour te mettre mon coucou. J'écris tout ce qui passe dans ma tête. C'est Jules, je représente ma thèse. Détends toi, là, je te sens pas à l'aise. Ici, c'est sombre, on fait jamais la fête. La famille, on va se cagouler. On m'a dit qu'elle t'attend pour les trouer. Je réponds, y'a déjà trop de frères écoués. J'aime la vitesse et les gros culs. Les blondes, les brunes avec les gros culs. Disque d'or en 3 jours, je réalise pas. Je crois pas que les maisons de disques qui kiffent ça. Descends. Rai Suprême sur Skyrock. Chargé, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit. La grosse malle bleue, nombreux comme une équipe de foot.

Cabaret, cabaret, j'rappe le barreau d'une carabina. J'fais danser les amis, rachadou, j'ai même Katarina. Hey, wa, yas dans la poche, on est là. Mon son tourne dans les caisses et dans les bois. J'suis dans mon bol. شعبيه الحاله قطعت بحور زمان يدور والغربه قد تعلم انا بكي نبكي واقول على شعبيه الحاله وكان يسالني من وحداني يغلبوا براني كثير انا فكرت بنادي وعيد النادي سهر ربي مرضى انا وكان يلعني من اللي وحداني يغلبوا براني كثير انا فكرت بنادي وعيد النادي سهر ربي مرضى انا Trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dans le sang comme dans sang, puis en sang. J'ajuste la crosse en dansant, pensant à notre pays. Si avant la pupille, ils veulent donner des ordres, être les vendus qui obéissent. Dans les gardes, on s'éternise, on frappe à balai du râle. Nos réputations sternisent avec des meurs qui font bras. Y'a pas le drap, pas le temps de délirer ou t'admirer. Je menace pas après, je m'en irai. Vivant, on lit devant, garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défoie l'histoire. On s'en bêta, les cris qui entrent. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglant, rentrent en France. Pour les tuer là-bas, et se confier. T'as un infli, tu sais que le chef des chefs il s'appelle Husli. Rail suprême, deux heures, DJ Case t'ambiance avec tous les signes du moment sur Skyrock. Salut tout le monde, c'est DJ Kaez. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Skyrock.

dit voilà donc. Tu te demandes si c'est pas un complot. Rail suprême, DJ Case t'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Balmain, Sarwell façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs ça fait en bas les mains. Sur toi les habits qui brillent, telles les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais. Loulou et Boudin. Coco Chanel. Laisse-moi manger. Rail suprême, Dans le désert. DJ Case t'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Laisse-moi manger, la bouteille est belle. Rail suprême,

caché car y'a les forces de l'eau. Ils sont pleines manies, je voyais personne quand y'avait nada. Rien à foutre de temps que la rune valide. Deux sauf quand s'en fout à madame, les contraires s'attirent. En île Honda, fais le condom. Rapta dans la porte, on a fini comme d'hab. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Ton salon sera sûrement désagréable. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. J'finis à la queue au Ritz, ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, si c'est pas raisonnable. L'enfant dans ton salon sera sûrement désagréable. On trinque à nos balafres, à nos crochets tous les soirs. Noir c'est noir, ont-ils dit. Y'a donc vraiment plus d'espoir. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Personne dans le monde ne marche du même pas. Le règlement tous ils nous tournent, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. DJ Kaze Platine, minuit 2h, dans High Supreme, c'est avec nous ce soir dans High Supreme comme chaque dimanche soir à partir de minuit et jusqu'à pas d'heure. Jusqu'à pas d'heure. Ou presque, parce que ce soir après il doit enchaîner vite Case. Ah ouais, donc là on est en before. C'est ça. On est en before et c'est un big before là qu'on fait. On s'est mis des classiques, on a enchaîné. Là j'ai réservé une petite surprise pour la deuxième session. Il y a un nouveau titre, voilà, du label Juston Records, s'appelle c'est Scridge et son titre s'appelle Monica. Big Monica. Voilà. On prévoit peut-être un futur tube. Monica. Bon, et ben à découvrir dans un instant. Vous pourrez réagir aussi avec le hashtag Ride Supreme sur Skyrock. Et un petit point donc sur les soirées, Case. Yes, vendredi 11 mars, je suis au Palais M. C'est à Paris. Je serai aux côtés de Franco, le chanteur, Collé la Petite. Voilà, donc c'est à Porte Maillot. Et le samedi 12 mars, c'est le Vegas Club. Et c'est à Tours. Et voilà, on va faire la fête du côté du 37, en région cool. Centre. Et t'annonces même pas où t'es après, là, après l'émission. Et juste après. T'avais oublié que tu repartais. Tu voulais rester avec nous toute la nuit. Non, j'aurais bien voulu. Ouais. C'est moi, je vais t'emmener là, juste derrière. Ah bah, avec grand plaisir. Je vais au Garden, c'est à la Plaine Saint-Denis, donc c'est facile à trouver sur les réseaux internet, le Garden, et on va faire la fête tout à l'heure. Et bah allez-y, dimanche soir, c'est reparti pour une belle soirée festive. Et dans un instant aussi, ça repart avec le son DJ Case. Yes. Go. Minuit, 2h avec Fred et DJ K sur Skyrock. Créatine, non tu n'y arrives pas.

è trip fantasia, una vita luita lo canta, canta mi Andalusia. Oh! Californie. On fumait 350 Benji sur les bords de la corniche. Abchini, Merli, j'ai rien à perdre. Rien qu'à le malade mental, plus connu que la haine, je m'en bats. Je voudrais passer les aînés à ma bien-aimée avant que je taille. Comme chef Hesney, je suis sentimental. Partir loin, rien à perdre, fais poste, nous lâchez pas. Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton, je l'appellerai mercredi. Et dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibeni, je vous rends la carte résidence. Un moment d'évasion, Yarma, let's go et danse. Ça fait plaisir. Et al babour, y'a mon amour. Kharjni m'en la misère. Il est dit, l'ali m'hadour. Il taille toujours mal. C'est bon. M'en la biche, mon casino. Fidèle, il s'affiche longtemps. Et bien, il sait, je dis que je suis. Ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock.

sur Skyrock. Ligolo, ligolo, rinti, figalo.

وصبري معاك طال طال طال طال طال وقلبي دايب فيك. Salut, c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rise Supreme. Skyrock. Avec tous les sons du moment. Passe avant minuit,

DJK sur Skyrock. Yanni. C'est bon. Écoute. Californie, on fumait 350 Benji sur les bords de la corniche. Habchini, Merli, j'ai rien à perdre. Rien qu'à le malade mental, plus connu que le head, je m'en bats. Je voudrais passer les aînés à ma bien-aimée avant que je taille. Comme Cheb Hesni, je suis sentimental. Partir loin, rien à perdre, riposton ou lâchez pas. Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton, j'appellerai mercredi. Et dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibeni, je vous rends la carte résidence. Un moment d'évasion, Yarma, laisse-toi et danse. Sans fait plaisir. Et un babour, et un mon amour. Kharjni m'en la misère. Il est dîme l'année mahtour. Il taille toujours les mains. Mon rabbi, je m'en casse. Il est lisse à fil en temps. Et d'un essai, je suis qui je suis. Débrouillard, je t'annonce, amène-moi loin de la misère, mon plus fidèle compagnon. En route pour l'Eldorado, même en classe, c'est con, dirou, sac à dos. Partir loin, sans les cousins, les placards, c'est dur. Je me considère chanceux d'être en vie, pourvu que ça dure. J'ai grandi qu'avec des voleurs, j'aurai toujours les youyou qui résonnent dans ma tête à la quête du bonheur. Ce titre Monica. Eh oui, on l'a entendu. Gros big up à Skrid, juste un record. D'ailleurs, juste qui est parmi nous là, il est là, il veille tard. Il a un grand sourire. Ah ouais. Quand il a un grand sourire, c'est qu'il est content. D'habitude à minuit, il est au lit, mais là, il est là. Bah là, tu l'embarques au Garden, hein. Allez hop. Beaucoup de réactions pour le titre Skrid. Voilà, c'est une nouveauté. Ça et ça, on peut le bientôt. Trouver où ouais, on peut le trouver. Non, c'est bientôt. Ça va être bientôt. Bientôt. Au clip, sur les réseaux, sur iTunes. Donc, on le met en exclusivité comme d'habitude. Merci, ça fait Sky. Plaisir, pour une fois. Non, c'est pas la première fois. Et toi, Paris-Oran, enfin non, pas Paris-Oran New York, d'ailleurs, la nouvelle compil de Case. L'album, ouais, ça sortira avant l'été, et là, bon, pour le moment, il y a Gradure, le son est Gradure, collé serré, quand on paye. Et le nom, on sait ou on sait pas? Non, pas encore. Pas encore, t'as pas balancé encore. Je suis en train de sonder, là. Bon. Et bah, si vous avez une idée pour la prochaine compil de Case, vous balancez sur les réseaux sociaux. Peut-être que je l'appellerai DJ Case. C'est pas mal aussi. Hein. Aussi c'est pas mal. C'est un classique, c'est pas mal. Tu reviens la semaine prochaine, Case? Yes, je reviens la semaine prochaine. Donc vendredi 11, je suis au Palais M à Porte-Maillot. Je serai avec Franco, Cole la Petite. Et samedi 12 mars, du côté de Tours, c'est au Vegas Club. Et 18 mars, c'est à Monte Cristo, c'est à Noyon. Samedi 19 mars, à Montpellier, à l'Infinity. Et voilà, tout et est sur reparti, les réseaux. C'est reparti, voilà. C'est reparti en non-stop. C'est reparti, ouais. Merci, Case, pour cette soirée. Merci à vous. Ciao, passez une bonne soirée. Le son, ça continue sur Skyrock. Ciao. Tous les matins sur Skyrock.